Donc, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes en direct sur Jésus-Christ TV. Voilà, c'est une émission spéciale et c'est une émission surprise. Nous avons des croyants en direct depuis le Cameroun. Le frère Junior et l'église de maison, ils sont en train de célébrer la Sainte Cène. Donc, nous avons été en contact. Et voilà, je vais montrer la Sainte Cène en direct depuis le Cameroun, dans la simplicité comme le Seigneur l'aurait voulu. Donc, vous voyez donc le cadre tellement informel. Nous sommes en direct, donc je vous, sans plus tarder, vous mets en direct avec Junior qui est en train d'enseigner. Vous allez voir Junior donc au milieu et les frères qui sont assis en train d'enseigner sur la Sainte Cène. Et peut-être Junior pourra vous dire bonjour depuis le Cameroun en direct sur Jésus-Christ TV. Donc, sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous passe Junior depuis le Cameroun en direct sur Jésus-Christ TV. Donc, sans plus tarder, mes frères et sœurs. On va vraiment passer à la Sainte Cène. Donc voilà, quelques instants, s'il vous plaît. Je vais passer dans Junior. Voilà, vous êtes sur Jésus-Christ TV, donc je passe Junior. Bon, et c'est une fois par an. Vous avez compris, n'est-ce pas? Une fois par an. Donc si tu célèbres deux fois par an, tu rends compte à Dieu pour cela. Pour aller que tu as culturé Christ pendant une mois, combien de fois, c'est comme ça. Donc, tu vois, moi, dis n'importe quoi, vous êtes identifié aux catholiques, chaque année, c'est ça, descend. Et chaque année, il y a le mari et petit Jésus. Et Jésus, on a, quand le grand Jésus va venir pour juger la terre, ils sont encore avec petit Jésus, l'enfant Jésus. C'est terrible et c'est horrible. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 17, on y lit. En donnant cet avertissement, regardez, c'est un avertissement. C'est que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. C'est au Corinthien qui s'adresse. Donc l'apôtre Paul s'inquiète du fait qu'on se réunit. Non, on doit se réunir pour faire quoi? Pour devenir meilleur. Mais il s'est dénoncé pour être pire. Pourquoi? Parce que la décadence qui a commencé depuis le chapitre 7, où un homme, déjà avec la femme de son père, est allé même jusqu'à la table du Seigneur. Or, il écrit maintenant dans ce chapitre 6 pour faire état de ce qu'est la table du Seigneur et la façon de s'approcher. D'accord? Donc, si tu veux supposer savoir la partie où on parle de comment s'approcher dans la table du Seigneur, c'est ici dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 17. Et quand on va dire cela maintenant, faites selon une rétrospective et voici ce qu'il en est dans les dénominations. D'accord? Voici donc pourquoi je vous ai dit frère, et je vais dire cela aux frères dans le monde entier. Tant qu'on ne rentre pas dans le cadre de l'église de maison, la sainte école de frères n'est pas possible. Ils vont faire des choses pour plaire aux hommes. Ce n'est pas possible. Quand ils sortent, les gens ne vont pas comprendre. Quand on va commencer à toucher la doctrine, vous allez voir que ce n'est que possible dans la maison, parce que c'est la famille. On ne peut pas faire du mort. Vous allez dire qu'on peut construire la table, si on fait un grand temps, vous allez faire un gigantesque pain. Considérez comme ça un gigantesque pour poser un salon de façon à faire des pasteurs. Donc, imaginez donc des relations avec 50 000 membres, parce qu'ils disent, oh, nous sommes 50 000. Pour avoir un peu, les gens vont transporter le pain, vous allez comprendre. Donc, verset 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, et regardez, vous avez observé ça. Lorsque vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. C'est terrible, pas vrai? Donc, s'assoit comme ça, l'un n'est pas d'accord avec l'autre, l'autre n'est pas d'accord. Ce que tu dis, c'est ta part. Moi, je prends pour moi. Je prends pour moi. Je prends ce qui m'intéresse là-dedans. Ça ne doit pas être ainsi. On oublie l'enfant de Dieu. Amen. Ça ne doit pas être ainsi. Ça ne doit pas être ainsi. Tous d'un même accord. Animés d'un même sentiment. Amen. Alléluia. Il dit, j'en crois en partie. Verset 19, il dit qu'il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme le plus sévère. Lorsqu'on va parler de chien. Ok, c'est bon. On va encore toucher cela. Verset 20, lorsque vous écoutez, vous avez suivi, quand on va dire à partir de vous, merci Seigneur, merci Père pour ce que tu fais pour nous, merci Père pour ce que tu fais pour nous. Merci d'avoir honoré de ta présence en ces lieux. Merci Père parce que tu as honoré de ta présence en ces lieux. Merci Père parce que tu as honoré ta présence en ces lieux. Merci Père parce que tu es venu nous accompagner. Merci Père parce que tu es venu nous accompagner. Merci Père. Merci. Oh, il est merveilleux. Frère, je peux vous dire clairement maintenant ce qu'il a dit en ce moment-ci. À chaque fois que vous comprenez la vérité, comme moi je suis derrière la vérité, je suis derrière vous pour vous soutenir. Absolument. Comment on peut prêcher? Comment on ne peut pas prêcher l'assurance avec assurance s'il est présent? Amen. Merci Père. Écoutez, frère, que le désir de votre âme par rapport à la parole soit de servir Dieu et non pour plaire aux hommes. Amen. quel que soit ce que l'homme puisse penser, tant que Dieu a dit, même si la majorité dit n'importe quoi, si c'est parce que Dieu a dit, tenez ferme pour Dieu. Vous tenez ferme pour lui, il va vous soutenir parce que c'est sa parole. Amen. Amen. Avançons. Merci Père. Merci Père. Ah, merci. C'est comme s'il faut que je rende seulement les actions de Père là parce que mon cœur est déjà là maintenant. Vous voyez, permettez ainsi. Merci Père de ta présence. Merci Père parce que tu es au milieu de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La solution. Nous sommes précisément. Quel que soit ce que tu as fait de traverser, quel que soit ce que tu as fait de traverser, souvenez-vous que le sang de Jésus-Christ, à cause de cela, a octroyé tout de ce que Jésus-Christ avait pour lui-même. Il t'a transmis cela. Maintenant, par la foi, tu dois l'accepter. Ce n'est pas par les œuvres, par pas au pire chose que tu auras fait. Par les murs, là où tu par les saisons de prier de minuit à 3 heures. Jamais. Amen. Amen. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci. Après, si dans une autre séquence, je vais vous parler de ce qui est en train de se passer, d'accord, frère? Merci Père. Merci Père. Merci Père. Oh. Verset 20. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pourquoi manger le pain de la vous voyez, regardez bien. Ceci montre clairement. Il dit aux assemblées, ça c'est, j'ai pris ici parce que c'est la pratique des disciples. Ça c'est plus de 46 ans après la montée du Seigneur Jésus au sol. Au sol. Donc, l'écriture a été écrite à l'an 52-54. Est-ce que vous comprenez, frère? Vous suivez? Donc, il dit que lorsque vous réunissez, ce n'est pas pour manger le pain de la vie. En fait, il veut dire qu'il fait une couche. D'accord. Donc les disciples, plusieurs années après la résurrection de Jésus-Christ, continuaient la commémoration avec du repas. Vous avez vu quoi là-bas? Le repas du Seigneur. On appelle ça le repas du Seigneur. Amen. Donc, lors de la Sainte, en fait, je ne vais pas dire autrement, parce que Sainte-Sainte veut dire Saint-Repas. Sainte-Repas. Cena, en latin, Cena, veut dire repas du Seigneur souffré. Vous entendez cela? Ouais, dans les dimensions, déjà, on va prendre le matin, comment prendre la Sainte-Sainte matin? Comment prendre le repas du soir, le matin? Dis à ton voisin, va dans la dimension des jeûnes. Bien sûr. On prend un petit coupe là, un peu comme le lait avec un peu de pain. Pour s'amuser encore. Mais frère, mais curieusement, personne ne s'est jamais tenu là-bas en disant que mes frères, on dit le souper. Comment vous voyez souper partout? Faites ça le matin. On m'a dit que ce n'est pas important. Si ce n'est pas important, les catholiques ont entièrement raison de verser l'eau sur la tête. Parce que ce n'est pas important, c'est une chose qu'on a utilisée. Non. Vous voyez ça, frère? Donc, si tu dis que les catholiques sont coupables, toi, finalement, tu es coupable parce que tu as rejeté quelque chose. Le catholique prend l'eau, il verse sur la tête. Et ce n'est pas important. Parce qu'il y a quand même le symbole de l'eau. L'important, c'est qu'il y a le symbole de l'eau. Donc, celui qui définit ce qui est important maintenant. Le pentecôtiste et les autres évangéliques disent que non, ce n'est pas important. Et ça, c'est seulement qu'il y a le pain là-bas, il y a le jus. D'autres prennent le poulet, l'autre, la grenadine. Parce que la grenadine ressemble au sang, attention. Oh. Alléluia. Dieu nous vient vraiment en aide. Dieu nous a délivré les plus d'endroits, n'est-ce pas? Or, les éléments tels que donnés, Dieu l'a mis dans la parole. Amen. Donc, il dit donc que vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car on se met, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre pain. Amen. C'est ce qu'il dit, non? Son propre pain. Donc vous ne me suivez pas. Pourquoi vous avez besoin de repentance? Repas. C'est que quoi là-bas? Repas. L'ancien catholique. Voilà comment vous êtes. Vous ne pouvez pas lire la parole de Dieu. Un catholique, tu lis pas la parole de Dieu. Il dit non, lis. Donc ne vous pas, ne t'inquiète pas. Il faut ouvrir. J'ai lu pour voir si vous allez suivre. Chacun, quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre pain. Vous dites oui. Vous avez une bonne Bible devant vous. On a dit repas. Pourquoi? Parce que chacun avait son repas qu'il apportait. Alors les Corinthiens apportaient le repas. Supposons que le frère s'appelle le coquille. Il s'assoit comme ça et dit, mais le gars, c'est Dieu quoi comme ça. Il prend son coquille comme un manger petit. C'est ce qu'il a de reprocher là-bas. Et lorsqu'on se met à table, chacun commence à manger son propre quoi repas. Donc ils avaient un repas qu'ils apportaient. Chacun apportait son propre repas. Amen. Merci. Alors, il dit, tandis que l'autre a faim. Et l'un a faim, tandis que l'autre a faim. Donc l'autre en venant, il avait là pris quelque part. Souvent leur église a dit tout. On prend un peu un king, et ça sort à cause, les yeux font comme ça. On ne connaissait pas ce qu'est l'élite du Seigneur. L'autre frère, il y a un frère qui m'a posé la question, et quand il m'a posé la question, le Seigneur a dit qu'il veut dire qu'il y a l'alcool dans la Sainte-Sainte. Il a dit qu'on a dit nulle part ici qu'il a bu la Sainte-Sainte parce que si quelqu'un veut boire jusqu'à saouler, il faut que ça soit à un niveau. Donc c'est un camion de 20 par la nuit là-bas, c'est pour faire un sincère. Quelqu'un va vouloir poser la question pour boire parce qu'il y a une délivrance. Il faut le délivrance par rapport à l'alcool. Il va s'en sortir. On se met à table pendant que l'un aime un feu, pendant que l'autre a eu. Il me pose la question, frère. Il avait fait à la table, il avait fait avant de venir. Il dit qu'il avait fait avant de venir. Donc même l'autre là, c'est avant de venir. On a pas dit que c'est à la table, il a bu pour être. Il va dire qu'il est. Donc il est dans cet état là avant que la scène commence. Alléluia. On peut comme ça pour faire quoi? Pour prendre un peu de vin de Gandia. Amen. Que Dieu nous bien en aise. Ok. Maintenant, regardez la chose. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous bon à ceux qui n'ont rien? C'est-à-dire que parmi vous, c'est des manières de ne pas apporter quelque chose. N'est-ce pas? Donc, si on est comme ça, chacun dit, ok, prends mon repas. La personne qui n'a pas apporté, va manger quoi, frère? Au service là, bon, quoi, c'est un communion. Quand ça va être sur la table maintenant, la personne qui a apporté pendant le million, on va vouloir manger plutôt des coquilles de l'eau. Où est-ce là? On prend un peu de coquille, chacun prend, on mange, on est dans la commune. Quelqu'un dit agapé. Agapé. Il dit, amen. On avance. Ok, maintenant, regarde. Il dit, vous louerai-je? En cela, je ne vous louerai pas. Nous pas. Mais t'as appris à expliquer. Alléluia. Verset 23, maintenant, il a expliqué ce que Dieu. Regardez tout ça, que l'apôtre Paul n'était pas dans la chambre haute, parce que lui, ici, était là. Mais après, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, lui a expliqué exactement ce qu'il avait fait. Pour lui montrer qu'il avait fait ça, il a dit que faites ça à mémoire de moi et ça ne peut pas changer. On avance. Il est cagé ici. C'est l'apôtre Paul qui parle, frère. Dans les livres, dans les évangiles, l'apôtre Paul n'était pas là. Mais après, dans Actes chapitre 1, il dit que l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas de moi, n'est pas d'un homme, n'est pas écrit dans une école de théologie. C'est par révélation. Donc après qu'ils sont apparus aux apôtres, il est également apparu à l'apôtre Paul et lui a dit exactement ce qu'il a enseigné en 3 ans. Amen. Amen. Il dit car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il prit du pain. Du pain. Après avoir rendu grâce, il le remplit. Combien de pain? Vous allez vous faire n'importe comment, vous allez vous faire juste n'importe comment, ça ne peut pas, vous ne pouvez pas prendre ces choses-là du monde qui viennent à la parole. On va seulement modifier cela ou échanger totalement. Amen. Et dit, ceci est mon propos, tout ce qui vient de dire là. On a dit quoi? S'il vous plaît, suivez là. Le Seigneur prend le pain et dit que ceci est mon corps. Mais littéralement, ce n'est pas son corps, parce que son corps est physique là. Et c'est plusieurs heures après que ça sera brisé à la fois, n'est-ce pas? C'est plusieurs heures après que son corps sera brisé. Mais il a laissé ceci pour montrer que l'agneau dont on parlait dans l'Ancien Testament, il est l'agneau parfait. Si vous lisez les parties qui sont données dans la Bible, dans les parties de la Sainte-Seine, là où ça a été instauré dans les 4 évangiles, vous allez dire que, vous allez voir comment Dieu a dit, Jésus a dit qu'allez et préparez la Pâque. Vous voyez, il est allé et prépare la Pâque afin qu'on la mange. Le soir, il va dire quoi? Que j'ai désiré tant manger cette Pâque. Mais il voulait que l'accomplissement de l'image puisse arriver vite dans le ministère. Et ces jours-là, il y avait la réalité. Souvenez-vous, avant que Jésus ne fasse cela, ces jours-là, il avait célébré d'autres Pâques avant d'arriver là-bas. Donc, d'autres Pâques qu'il avait célébré, il y avait effectivement l'agneau. Mais lorsque l'accomplissement devait être là, il y a eu la nourriture. Lui, il était l'agneau parfait. Amen. Il ne pouvait pas être là et prendre encore un agneau. On se considère que ça, il y a un problème. Ils ont eu la nourriture, alors maintenant l'ombre commence à faire face à l'image. Alléluia. Il y avait la nourriture. Et les disciples ne lui ont pas posé la question que vous faire, Seigneur. Il y a aujourd'hui la nourriture, pourquoi il n'y a pas de viande? Ils comprenaient. Alléluia. Ils comprenaient que voici l'agneau. Parce que Jean leur avait dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. La nourriture était là. Normalement, il va utiliser Exode chapitre 12. Permettez-moi que j'aille comme ça, parce qu'il faut m'arrêter. Si m'arrête à doucement, là, ça va me ralentir, d'accord? Donc, vous permettez les bombes ainsi. Si vous lisez Exode chapitre 12, on a remarqué qu'il y avait la nourriture, il y avait l'agneau qu'on devait immoler, n'est-ce pas? On devait prendre l'agneau pour chaque maison, le 10e jour et le 14e jour, on devait l'immoler entre les deux soirs, n'est-ce pas? Ok, maintenant, ce soir-là, le soir de la perfection où l'agneau parfait devait être immolé. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Il y a eu la nourriture, l'agneau était présent là-bas. Il a dit, ok, pour que ça ne manque pas dans la soirée, pour que tout concorde, donc ceci en remplacement. Voilà ce qui remplace l'agneau qui devait être durant cette cérémonie. Pourquoi? Parce que c'est plus tard qu'il va aller être brisé. Mais dans l'intervalle, là, ça respecte toujours entre les deux soirs. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Parce que le matin du 15 Nissan est le début du premier jour de pain sans levain. Amen. On va revenir sur la religion de Jésus dont vous avez parlé. Vous devez comprendre tout ceci, c'est emboîté. Vous ne pouvez pas tordre la parole et dire allez gratuit. Donc Jésus laissait le pain là-bas pour que l'agneau soit toujours à la table. Donc, à la table, il y avait l'agneau, mais ça s'est symbolisé par le peuple. Nous allons aller accomplir cela. Amen. Ok. Maintenant, avançons. Il dit verset 23, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc, ça veut dire que les disciples de l'apôtre peuvent enseigner la même chose que je t'avais enseigné. Donc, ça ne peut pas changer. Amen. J'ai reçu du Seigneur Jésus ce que je vous ai enseigné. C'est que la nuit où le Seigneur, dans la nuit où il fut le prix du pain, et après avoir rendu le rompu, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Quoi? Le commandement, c'est quoi? Le commandement qui est écrit par la suite, c'est quoi, frère? Faites ceci en mémoire de moi. Si vous ne me suivez pas dans la Bible, fermez la Bible, c'est vous expliquer ça comme ça. Faites ceci en mémoire de moi. Donc c'est une ordonnance. On monte, on descend. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, dans Exode 12, vous allez voir, on avait donné une ordonnance. On a dit que tout Israël doit célébrer la Pâque. C'est un commandement. Ce qui est Israël, tu dois célébrer la Pâque. Ce qui est chrétien, tu dois célébrer la Sainte-Seine. Amen. Il dit faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir. Écoutez, regardez ça. De même. Après avoir quoi? Vous avez vu? L'apôtre Paul dit que c'est ce qu'il a enseigné, c'est ce que Jésus a enseigné, et c'est ce qu'il enseigne aux gens. De même, après avoir soupé, c'est ce qu'il enseigne aux gens. Le souper, c'est quoi? Donc, que vous ensemble maintenant, que c'est une réunion ici, il n'y a pas de réunion, mais le point là-bas. On va bien lire ça, Rosa, là. On va lire vite, passer l'endroit où il y a le souper là-bas, rapidement, pourquoi on ne voit pas. On voit cela. On va s'intéresser sur le point, on parle de ce point qui est le problème. On parle du repas du Seigneur, le repas, la nourriture du Seigneur. Et c'est pendant cette nourriture du Seigneur qu'on rompt le pain. C'est pendant la nourriture du Seigneur, le repas du Seigneur, qu'on rompt le pain. Pendant la nourriture du Seigneur, qu'on rompt le pain. Ce n'est pas le pain qui est la nourriture ni le repas. Il y a la nourriture, il y a le pain. Amen. On dit, demain, après avoir soupé, il prit la coupe. Maintenant, regardez la chose, frère. On doit prendre la coupe à quel moment? Donc, il faut que la nourriture finisse. On va prendre. Il faut la s'asseoir dans cet ordre-là. On ne peut pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Vous avez suivi? C'est ce qui est dans la Bible. On dit demain après avoir soupé. Demain après avoir soupé. C'est la sauce. Quand son père est malade, demain après avoir soupé, il prit combien de coupes? La coupe. Vous avez vu, frère? Il n'a pas dit que Osha venait prendre les coupes, c'est venu distribuer. Jamais. Demain après avoir soupé, il prit la coupe. Regardez bien. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc ça donne l'alliance, ça montre que tu as l'alliance avec ton sang. Après, quel est le commandement? Toutes les fois que vous en boirez. Donc quand vous êtes sur la tête, vous êtes venu chaque fois que vous passez. Vous êtes dit ça dans ce cas-là. Quand il y a comme ça, il dit non. On a dit qu'il y a un peu qu'on peut le faire chaque jour. Alors, si la première fois que j'existe, il y a un commandement, alors vous restez un seul jour, vous désobéissez. Vous voyez que finalement, ce n'est pas de ça dont on parlait. On a la Bible là. Maintenant, verset 26. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, chaque fois au Seigneur, de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous avez vu? C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable entre le corps et le sang du Seigneur. Donc, mes chers amis, vous êtes assis ici. Vous n'êtes pas sincère avec Dieu. Vous vivez dans l'humilité. Vous pouvez m'expliquer ce que je veux maintenant. Je fais mon travail qui est mon temps pour vous avertir. Parce qu'il a commencé à dire que je vous donne ça à l'avertissement au verset 17. Il dit si quelqu'un vient là sans discerner ce qu'il a de manger, il ne sait pas ce qu'il fait, il a de manger un jugement contre lui-même. Il sera coupable du sang et du corps du Seigneur. On peut avancer? Ok. Que chacun s'éprouve soi-même. Donc tu connais ta vie, tu connais ta conscience, tu connais comment tu as marché, tu connais comment est ta relation avec le Seigneur. Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même afin qu'il mange le pain et qu'il boive de la coupe. Donc éprouve-toi toi-même d'abord. Maintenant tu es éteint. Si quelqu'un est content qui est au courant, je suis félicité. On n'est pas de côté. Si quelqu'un est important qui est au courant, on n'est pas de côté. Pourquoi on n'est pas de tête de que la prochaine personne que ça puisse tomber sur lui comme ça? Si quelqu'un est important qui est ouvert, veillez à ce que si ça est important, le prochain portable sur la personne va se mettre vivant. J'espère que je viens avec ça. C'est guéri. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Donc si tu juges bien que tu es conforme là, et que tu n'as pas de réponse avec, tu sais comment tu vas faire. Voilà pourquoi, vous voyez, quand il pense à ce niveau-là, il m'en veut prendre la scène, c'est comment on se prépare, le cas est 5-5. On peut se préparer. Mais préparation, c'est que tu peux faire 2-5 ou 5 à 4 5 pour montrer que tu peux préparer. Mais ça soit que vous avez vu le tacle de 5-5 qui n'est pas ici, vous avez vu le tacle de bactéries, ok, avançons, vous allez voir quelque chose. Car celui qui mange ou boit, et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Vous avez entendu? Ok. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Oui. Oui, merci. Et quel grand nombre okay. sont? Mmh. C'est Jésus qui est certain que tu es. Qui? Maintenant, verset 31, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Amen. Mais quand nous sommes jugés, d'accord. nous sommes châtiés d'accord. par le Seigneur, merci, c'est bon. Afin que nous soyons condamnés avec le monde. On va revenir sur ça. On va passer. D'accord, c'est bon. Il va quitter son enfant plus que le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez, pour le peuple. Ouais. Vous voyez que le but de la réunion n'est pas le peuple, mais le repas. Vous avez vu ça, frère? Donc, quelqu'un dit que non, je suis allé prendre le repas du Seigneur. Je suis allé prendre le repas du Seigneur. C'est le matin. Oui, quand on mange quoi? J'ai mangé le peuple. Demande à manger. Le peuple, c'est le repas. Alléluia. Mais tu peux approcher même au niveau de la nourriture. Il va qu'on voit les nourritures que nous avons ici. Le fait que tu ne manques pas au niveau de la nourriture. Ok. Il a dit que tu me cherchais. Donc, il est que chacun s'éprouve soi-même afin qu'il puisse manger le repas et donc il dit alors donc, finalement, après de la compétition. D'accord. Lors donc, on se réunit pour le repas. D'accord. Nous sommes l'ordre. Je sais. Ok, mais c'est parce qu'on a mis la main. À l'instant où tu connais la vérité, devant Dieu, tu n'as pas de choix. Dieu va être tenu pour responsable parce que tu connais la vérité. Mais là, c'est pourquoi vous soyez ici, que vous parlez, est-ce que tu vas venir t'asseoir? Tu n'as raison pas souffrant. Ça fait quoi? Tu as vendu ton droit de naissance. Amen. Parce que tu n'as pas d'excuse. C'est pour ça qu'il fait que vous lisez en haut de Dieu. Parce que tu lis, tu ne peux pas lire. Tu as lu. Et souvenez-vous, quand vous allez rentrer à la maison, votre verset de vie, ça n'a pas changé. C'est le même verset de vie. Vous achetez la Bible pour les catholiques, vous allez voir la même chose à l'intérieur. Donc ça n'a pas changé, d'accord? Si vous ne voyez pas le repas, ça sera une outil, c'est la même chose quand même. Alléluia. On peut continuer? Amen. Ok. Maintenant, lisons le chapitre 3, chapitre 13 des Jean. Vous direz? Chapitre 13. On a vu, je suis en train de vous montrer, frère, vous qui êtes là, vous êtes les conducteurs. Plus tard, vous avez les assemblées que le Seigneur vous a établies pour diriger. Faites tout et tout pour que vous passiez de la façon dont vous voyez enseigner là. L'apôtre vous dit que je vous ai enseigné la façon dont le Seigneur m'a enseigné. Donc, si vous suivez l'enseignement de l'apôtre, vous serez exactement ce que je t'ai donné. Si vous suivez de la même façon dont vous en êtes présenté devant vous maintenant, vous n'aurez aucun problème devant le Seigneur Dieu l'État. Vous allez avec le cours théologique, allez-y. Il va vous embrigader, il va vous permettre. Ok, disons. Jean chapitre 13, on y va. Avant la fête des Pâques, les Pâques qu'on a célébré, ce n'est pas ce que Dieu dit. On va revenir sur ça particulièrement. Donc les Pâques de la semaine, les gens sont en congé, non? Congé des Pâques, ce n'est pas pour Dieu ça. Donc ce n'est pas la même chose qu'on a dit de célébrer, d'accord? Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Regardez, quelqu'un me lit les trois premiers mots. À haute voix. Vous avez entendu? On a dit quoi? Ça se passe à quel moment? Pendant le souper. Et souper, ça veut dire quoi? Le repas du soir. On est dans la soirée. Il y a le repas. Oui. Nous sommes ici au nom du Seigneur Jésus. Oui. Alors nous sommes dans les mêmes circonstances. Il dit pendant, souligné pendant le souper. Vous avez vu ça dans votre Bible? Pendant le souper. Si vous dépassez le souper là-bas, le synonyme c'est le repas du soir. Donc vous voulez lire ça, vous pouvez lire ça. Pendant le repas du soir, le repas. Le repas est différent du pain. N'est-ce pas, frère? Parce que quand il parle du pain, là, il parle du pain. Quand il parle du repas, il parle du repas. N'est-ce pas? Ok. Pendant le souper, lorsque le Dieu avait inspiré au cœur de Judas, le dessin de l'homme, de son César. Non. Voilà, on va lire. Regardez comment on va lire. Vous avez vu le début du chapitre 2, du verset 2. On va lire les trois premiers mots, comme vous avez vu tout à l'heure là. Et on va aller maintenant continuer au verset 4. Si quelqu'un a compris, dit Amen. Amen. J'ai dit comme ça parce que on dit que je vous ai enseigné ça ici pour voir. Il y a des choses qu'on nous raconte là-bas qui peuvent faire perdre le fil de ce qu'on avait dit. D'accord? Bien que la parole de Dieu ne puisse pas te faire perdre. Et dit ici pour que vous puissiez appréhender la chose rapidement. D'accord? Maintenant, je vais lire les trois premiers mots et continuer au verset 4. D'accord? Regardez. Pendant le souper, Jésus s'éleva des tables. Vous avez vu? Ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Il va maintenant pratiquer une chose qui va introduire maintenant le lavage de feu. Ça s'est passé pendant que les gens étaient attendés. On n'a pas fini entièrement. On vient pour ça là. Et pourquoi ça se passe ainsi? Je vais faire quelque chose pour que quand on va commencer à faire là, que quelqu'un ne puisse pas être surpris. D'accord? On a dit que c'est pendant que le souper était à laisser dénouer. Pendant. Regardez bien. Dans le livre de 1 Corinthiens, on a lu que la coupe se passe à quoi? À quel moment? Hein? Après avoir. Il y a le mot après. Après, ça veut dire que quand c'est là complètement fini. C'est ce qui est dit, non? Quand on dit pendant le souper, ça veut dire quoi? Au cours du repas. On a vu? C'est ça, mon frère. Maintenant, supposons que. Il y a deux personnes qui portent l'autre porte le panier de pain. Si je prends comme ça. L'autre passe la bouche comme ça. Vous êtes fini. D'autres cas, la personne perd le pain, l'autre perd le temps avec le pain, le pain, la coupe d'abord, il boit, elle prend le pain, le sein. Donc le sang coule avant que quelqu'un ne meure. Que Dieu nous vienne vraiment en aide, vraiment en aide. Vous aimez le Seigneur? Dis à ton voisin, si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, obéis à ses commandements. Sa parole est une lampe sur nos pieds, une lumière sur nos chemins, à nos sentiers. Mon frère, bienvenue, d'accord? Bienvenue. Hein? Merci d'avoir participé, d'accord? Et je prie que ce que tu as de voir, que tu puisses revenir partout tu seras, d'accord? Sois un accident, n'aie pas peur de quiconque, d'accord? N'aie pas peur de dire n'importe quoi, dis la vérité, même si ça va, c'est là pour te dire, tu comprends? Donc, ici, nous avons la sèche qui nous niche. On n'a pas des règlements intérieurs ici. C'est la parole de Dieu qui nous porte. Amen. On continue. Donc, vous voyez, pendant le souper, Jésus prit le vêtement, un linge, donc il se sèche. Et il se sèche là-bas. On peut continuer. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. C'est lui, Jésus qui a fait cela. Il a dit, amenez-moi l'eau du bassin. Lui-même, il l'a fait. C'est quand même curieux. Il vit comme ça. J'ai l'impression de vouloir disparaître de la terre. Que qui a fait cela pour les hommes? Vous imaginez la personne? La personne qui a dit que la terre soit et la terre, c'est celui qui a fait le travail pour les hommes comme ça. Hé! Hey. Miséricorde des miséricordes. Il prend le bassin. La faute Pierre a observé, c'est-à-dire que non, c'est pas croyable. Il attendait pour voir ce qu'il va faire. Il a son cœur comme ça. Il dit jamais. Je connais qui tu es. Tu peux pas me laver. Il dit quoi? Alléluia. Lorsqu'il a compris ce qu'il en était, s'il ne te lave pas le pied, écoutez très bien la chose. Si je ne te lave pas le pied, tu n'auras pas de pas avec moi. Alors, donc il n'y a rien qui puisse me séparer de toi. Lave mieux, lave même tout maintenant. Amen. Voilà pourquoi s'il y a n'importe quoi qui puisse te couper, si ça peut te montrer que ceci peut te couper la communion avec le Seigneur, laisse tout qui puisse être, quelle que soit l'importance de ça, mais pour te connecter avec le Seigneur. Il n'y a rien de plus précieux que la communion avec le Seigneur, notre glorieux Seigneur. Amen. Donc, il dit, verset 5, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était sain. Vous avez vu? Il vient donc à Simon Pierre, vous avez vu cela. Donc, sautons jusqu'au verset 14 là-bas. Au verset 13. Sautons jusqu'au verset 13 rapidement. Le message de Simon Pierre a conté à l'écran. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous. Il a dit, vous pouvez le faire? Non. Il a dit quoi? Je veux que quelqu'un se tient ici et vous me dites si le verbe devoir est un commandement ou pas, ou facultatif. C'est un commandement? Ouais, je crois que je ne comprends pas le français. Dieu merci. Au moins, ça va bien fréquenter pour l'autre là. Donc, quand il dit vous devez, ça suppose que c'est un commandement. C'est une option. Non. Ok, dis à ton voisin, il n'y a pas de parabole ici. Il n'y a pas de parabole ici. Parce que maintenant, l'autre dit que non, il voulait faire comme ça pour montrer qu'il est limité. Pour l'autre là, il a déjà dit que celui qui va être grand parmi vous soit votre serviteur. Il avait déjà dit ça. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il avait dit que vous savez que les nations les tyrannisent et que les rois les dominent. Mais qu'il ne faut pas qu'ils soient ainsi au milieu de vous. Donc, ils avaient la complice là. Alléluia. Et parce qu'il n'y a pas de. Dans ce moment que je tiens à répéter, c'est qu'une chose se passe et ils appréhendent. Et ils n'ont pas appréhendé, ils les prennent de côté, ils les expliquent. Il a dit que, avez-vous remarqué, si vous lui lisez le verset suivant en haut là, il va dire avez-vous compris ce que vous avez fait? Il dit que non. Vous m'appelez Seigneur, dans le verset 12 en venant là. Il dit vous m'appelez Seigneur et maître, et c'est ce que je suis venu, c'est ce moment. Si moi qui suis grand, j'ai pu faire cela, alors vous devez vous laver les pieds, mais. Vous avez vu ça, frère? Ok, je crois que le même devoir était seulement dans ma vie. Vous allez regarder. Verset 16, 15. Car je vous ai donné un exemple. Afin que. Voici comme je vous ai fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Laver les pieds. Donc nous, les disciples, nous devons faire comment? Laver les pieds. Comme qui? Comme Jésus. Je continue la question là-bas. On t'a lavé les pieds là-bas. D'abord, que ta chaussure sentait. Ils ont mis ton pied sans pied. Pas laver tes pieds. Il va laver tes pieds. Donc, mes frères, que vous avez les chaussures fermées là, commencez donc à enlever votre chaussure. Commencez. Hein? Donc, c'est pendant le repas. On est d'accord? Amen. Donc, le lavage de pieds est bien situé. Pendant le repas, Jésus enseigne, il fait le lavage de pieds. On a vu ça. Après le souper, on boit la coupe. On a vu cela. Maintenant, il faut qu'on voit à quel moment le pain est aussi rompu. On est d'accord? Amen. Maintenant, si vous regardez, dans ces gens, chapitre 13, vous allez voir que le pain est d'abord donné avant qu'il a lavé les pieds. Vous avez vu ça, hein? Bon, alors, dans le livre de Matthieu, chapitre 26. C'est la Bible que vous lisez chaque jour. Peut-être que vous avez passé même les Bibles à décider. Les Bibles, les Bibles, les Bibles, les Bibles. Vous y êtes? Amen. Donc, vous avez le temps de lire à partir du verset 17, le premier jour de la semaine, jusqu'à envoyer ses disciples, le premier jour des pains sans levain, jusqu'à envoyer ses disciples, en disant que vous allez ici, vous allez trouver quelqu'un qui a la cruche, allez entrer dans sa maison, on met dans la maison, ici, ici, ici. D'accord? Donc, prenez votre lecture depuis le verset 17, mais je vais aller directement au verset 26, c'est Matthieu chapitre 26. Je vais lire directement les trois premiers mots encore du Matthieu chapitre 26. Qu'est-ce que ça dit? Pendant qu'il mangeait. Vous avez entendu? C'est à quel moment? Pendant qu'il mangeait. Pendant qu'il mangeait, qu'est-ce que Jésus a fait? Oui. Après avoir rendu grâce. Oui. Il a fait le jourdain en disant, venez manger ceci. Vous avez entendu? Donc le pain est de là à quel moment? Pendant. Mais la coupe est de là à quel moment? Après. Après, il faut beaucoup de repentance. Frère, il faut beaucoup de repentance à l'église. Si vous dites qu'il n'y a pas de mal à cela, je vous dirais que l'église catholique a raison. Vous prendrez tous les dossiers et vous montrez que dans ce cas, le Seigneur est tranquille. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être anéantie. Aucune lettre de l'écriture ne peut être anéantie, ne doit pas être changée. On est d'accord? Amen. C'est ce qui est écrit. C'est ce que l'Église fait. On dit pendant qu'il mangeait, Jésus fut du peuple. Avant de l'avoir donné, il va prendre le bassin et il va laver les pieds. Quand tu vas finir, il va aussi prendre la coupe, on va rendre grâce. Donc, on ne rend pas grâce. Il n'a pas dit qu'il a rendu grâce sur la coupe, il a déposé. Rendre grâce sur la coupe, il a déposé. Après, il a fait. On va faire exactement ce qu'il écrit. Voilà pourquoi c'est très important que ceux qui nous écoutent dans le monde entier puissent observer ceci. Et je crois que mes chrétiens, par la grâce de Dieu, vont enseigner la même chose pour que les gens puissent appréhender. Il faut qu'ils voient, qu'ils écoutent le message dans le Bible et ils voient la pratique. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce une question, oui? Alors, dans ce même récit dans Luc, bonne question, allons-y là-bas, ne t'inquiète pas. Mais si ça va, ça va, ne pose pas les questions. Donc, maintenant, voici la chose. Le frère a lu, l'impression qu'il a eu, c'est qu'on a pris la coupe avant le pain. Qui a eu deux coupes. Quand il y a eu deux coupes. Or, si vous lisez Genèse, frère, vous allez lire la Bible. D'abord, avant de lire la Bible, ayez comme impression, ayez ce principe, c'est que l'écriture va se contredire. Première chose, d'accord, n'est-ce pas? Donc, s'il y a quelque chose qui ne semble pas se contredire, remarquez très bien que tous les auteurs qu'on a lus là a donné l'ordre. Donc, il faut donc comprendre comment Luc a écrit. Maintenant, on va aller là-bas pour lire ce que Luc a dit. Maintenant, ok, maintenant, vous allez lire cela, ça c'est votre affaire. Maintenant, je vais expliquer ce qui s'est passé. Tu regardes très bien, Luc parle directement que, après le souper, il a pris la coupe. Après, maintenant, par la suite, encore parler de ce souper, il va maintenant donner le roulement comment ça s'est passé. Un peu comme Dieu a dit dans Genèse chapitre 1, qu'il a créé l'homme selon son image. Après, il m'a dit que Dieu voulait créer l'homme et la femme. Comment le chapitre était encore? Il y a eu deux hommes qu'il a créé? Non. Non. C'est le même homme dont on est parlé. Après, il dit maintenant comment il a fait. Vous comprenez? C'est exactement ce qui s'est passé dans Luc là. Donc, si vous lisez Luc, vous allez voir exactement ces choses. Il y a initialement, il parle de la coupe. Après, en fait, maintenant, demain, il parle plus de la coupe. Il n'a pas dit la deuxième coupe. C'était une deuxième coupe, il devait dire la deuxième coupe. Après, il n'y a pas de coupe, n'est-ce pas? Amen. Amen. Amen. Autre question? Mais maintenant, si vous prenez l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, vous allez voir très bien qu'on parle du jus du raisin. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Vous avez lu cela? Et là, il dit, je ne boirai plus de ces fruits de la vigne jusqu'à ce que ça soit accompli dans le royaume. C'est qu'on en voit de nouveau, n'est-ce pas? Amen. Ouvrez votre livre dans le livre de Exode, chapitre 32. Exode, chapitre 32. Vous y êtes? Je vais quelqu'un pour vous. Veuillez mettre ton pied comme ça. Donc, je veux quelqu'un qui sait lire la Bible, s'il parle quelque chose qu'il puisse détecter directement. Vous êtes dans Exode 32. Je veux que quelqu'un lise le verset 14, la partie E. Je n'ai pas dit qu'on regarde le verset 14, je connais exactement ce qui est écrit là-bas. Je veux seulement la partie E du verset 14. Vous y êtes? Comment? Dans un verset, vous allez pouvoir être comment c'est pas le cas. Quand il y a un but, c'est pas mieux de. Il y a ton voisin peut-être. Non, je ne sais pas. Voilà, c'est. Donc, pendant que vous y êtes, quelqu'un ici, vous avez quelque chose sur lequel j'espère que vous avez très bien encore vous en tenir, n'est-ce pas? Si il y a quelqu'un ici que vous n'avez pas pardonné, ou quelqu'un dans le temps, vous ne faites pas d'autres avancées, n'est-ce pas? Donc, il y a un exode combien? 32, verset 14, la partie. C'est ça, n'est-ce pas? J'ai dit quoi? Exode 14. C'est ça? Exode 32, verset 14. Ok, c'est ça. 32, verset 14, la partie A, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Ok, madame, la partie E, regardez bien. Partie A, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux. Voilà ça. Des béliers et des bazars et des pauvres. Avec. Je sais quoi? Exode 32. Ok, Deutéronome, voilà, je suis allé de la liste de quelque chose. Mais, ouais, dans mon esprit, c'est Deutéronome. Ma bouche dit Exode. Mais justement, dans Deutéronome. Deutéronome 32. Vous y êtes. Ah, je lis les frères, mais je vais sur la nuit. Regardez, vous y êtes maintenant, dans Deutéronome. La crème des vaches et le lait des brebis avec la graisse des agneaux. Regardez, c'est pas vous n'avez pas dit c'est pas la partie A, B aussi. Regardez bien. Mais avec la crème de poumon. Regardez bien. Vous voyez, maintenant il y a un endroit après le poumon. Après le poumon. Vous avez vu quelqu'un met le mot poumon. Oui. Lisez, voilà la partie E, c'est après le poumon. Quelqu'un lit. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Voilà ce qu'il dit après le vin. Le raisin. Vous avez entendu maintenant? Mais oui. Voilà. Donc, le sang. Le sang du raisin est appelé le vin. Donc le sang. Le raisin dont s'est posé le sang de ce Jésus-Christ là. Amen. Donc si tu avais question à poser, posez encore le passe à table. Oui, frère. Frère, vérifiez donc que quelqu'un ne puisse plus chanter. Frère Evé, toi qui es là, c'est n'importe qui entre, il faut faire attendre. Il faut vous faire examiner. Vous l'avez dit, tu me fais si pour qu'on puisse regarder la personne. Oui, c'est au niveau du lavage des pieds. Oui. Oui, oui. Donc, la Bible dit que vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Les autres. Mm-hmm. Donc, je voulais savoir comment ça se passe. Ok, c'est très bien, ça fait salut, moi. Voilà des telles questions qu'il faut poser dans cette circonstance. Si vous lisez 1 Timothée au chapitre 5, le verset 9, vous allez voir qu'on va parler des bœufs. Pour qu'une veuve soit recommandable ou bien soit inscrite à la charge des veuves, on va donner les conditions qu'elle a à faire. C'est-à-dire que, qu'elle ait pratiqué les bonnes œuvres, élever les ses enfants, tenir sa maison de la solution, ainsi de suite, laver les pieds des saints. Vous avez vu cela? Parce que pourquoi vous devez comprendre encore une fois de plus que la chose qui doit se relever dans la maison? Pourquoi lors des communions fraternelles, si un saint vient chez toi, écoutez bien mes chers amis, il faut vraiment la réforme et même culturelle là dans notre tête. Donc, pourquoi? Parce que les communions se passaient dans les maisons. Les gens se rendaient visite, les uns les autres, les frères se rendaient visite. Quand ils viennent, en fait, la coutume juive a été prise par Dieu pour nous indiquer cela. Pourquoi? Parce que dans le moyen oral, les gens marchent, les pieds sont fatigués, ils enlèvent, ils nettoient le pied. Est-ce que vous entendez? Vous restez à la maison, vous communiez en ça. Donc, si vous faites ça entre vous, vous allez faire la même chose. Mais ici, c'est l'autre qui est solennel. Parce qu'il peut avoir la nourriture de la table. Quand on se nourrit, chaque fois on mange aussi. On mange des pains ici, chaque fois, n'est-ce pas? Chaque mardi, avec la nourriture. Mais c'est, là, je ne sais pas, c'est un petit Le pain, là, ce n'est pas en l'honneur de. Ou en communion de notre Seigneur. Ouais, mais l'autre aussi, c'est solennel. Donc, je fais ceci parce que c'est solennel, parce que ça a été fait à la Sainte Seine. Il peut, chaque fois qu'il y a la Sainte Seine, on va laver le pied. Mais maintenant, si le frère vient chez toi, il si tu veux, tu dis frère, viens te laver, puis tu laves. S'il est chrétien, qu'il a reçu dans ses mains, il doit accepter. Vous comprenez? Au trois hommes qui sont venus, et Maki, quand il a fait, il a donné l'agneau avec le pain, n'est-ce pas? Le vin. Oui, frère, rapidement, là, on va faire ça. Là aussi, je ne parle pas de culturel. C'est la culture de Dieu, ça va faire les Juifs, c'est le peuple de Dieu. Il a pris ça dans les cultures pour nous montrer cela. Pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre fuyait? Écoutez très bien. Parce que peut-être vous ne comprenez pas, dans la culture juive, les gens qui moi, souvenez-vous, ils avaient les sandales avec le cuir de tout là, ils sentaient. Voici ce qui se passait. Quand un invité arrivait à la maison, les serviteurs de la maison, il y avait beaucoup de tâches. D'autres qui servaient à table, d'autres qui servaient pour ceux qui avaient de l'argent. D'autres avaient les serviteurs à la maison, d'autres étaient là. S'ils étaient invités à un congé, le congé lui-même restait pour donner la vie des douces. Pour entrer. Vous comprenez? Maintenant, il y a les serviteurs qui arrivaient parce que les gens mangeaient. Pourquoi on ne met pas dans l'assemblée et que ça commence à sentir les pots de vêtements? Alors, il y avait un serviteur qui était chargé à laver le pied des gens pour que les gens puissent avoir un autre nouveau parfum par rapport quand ils vont entrer dans l'assemblée. Vous comprenez? Ok, maintenant. D'après la règle ou bien la chronologie ou bien la hiérarchie des trois tâches, ça c'était la tâche la plus minable. Vous savez de qui il est question? C'est Jésus, remarquez très bien. C'est la tâche la plus minable de laver les orteils de quelqu'un qui pue. Donc après s'être sorti du trône, il n'était même pas d'abord obligé de sortir du trône. Venir dans la chair, c'est-à-dire quelque chose même de venir dans la chair. Après d'être venu dans la chair, il se rabaisse encore davantage, prendre un service que les hommes n'aiment pas chez à profiter. C'est ça, il a fait ça dans la culture pour montrer que c'est comme ça qu'il veut que les hommes se rabaissent. C'est ça qui s'en est parlé. D'accord? Oui. J'ai encore quelque chose. Je crois qu'il va falloir qu'on arrête les questions pour qu'on puisse faire la situation aussi. Donc, posez des questions qui ont tout à voir avec cela. Ne sortez pas du contexte, d'accord? Oui. Je voulais toujours dire dans le même contexte, comme tu disais vraiment, c'était la tâche la plus minable. Minable, oui. Oui, on verra aussi dans les écritures. Une femme qui a fait ça et vraiment qui a été pardonnée pour beaucoup de cette beaucoup de choses. Pourquoi? Et ça montre qu'elle a beaucoup aimé, n'est-ce pas? Elle a essuyé le pied de Jésus avec les larmes. Vous savez bien? C'est avec les larmes qu'elle a. Enfin, quelle quantité de pieds essuie les pieds? Après, elle a mis du parfum. Merci, frère. Oui. Je pose dit qu'on s'examine soi-même. Et si par contre quelqu'un s'examine et trouve qu'il a quelque chose qui n'est pas juste, il règle d'abord ça. Et qu'il désire prendre le repas ici. Et en fait, il y a deux choses. Comme le repas est là, on peut interdire quelqu'un pour le prendre. Il a dit que chacun s'examine. Il a fait que le pasteur examine vos vies. Jamais. On a dit ça. Non. Donc, avant d'avancer, il faut que moi et vous dise ce que l'Écriture dit de cela. Donc, si c'est que tu as quelque chose, alors, quand le Seigneur met le doigt là-dessus, alors cette chose-là ne te donne pas l'autorité de le faire, l'autorisation d'approcher vers la table. Si tu approches vers la table, alors tu as l'air de t'approcher en acceptant le jugement. Donc, quand tu sors, quand tu prends une orange, à propos qu'on est pris là, tu suis l'orange. À cause de cette orange, tu peux permettre qu'il y ait l'accident, tu coupes tes pieds à cause de ça. C'est ce qui est écrit. Alors, on a dit que c'est pour cela qu'il y a beaucoup de malades parmi vous, beaucoup d'infirmes, et que plusieurs sont. Oh. On a vu ça? Donc, si ton cœur, la vue est claire dans 1 Jean, pourquoi le verset 21, que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Si nous n'avons pas de condamnation dans notre cœur par rapport à quoi que ce soit, alors il y a la paix avec Dieu. Amen. Question, frère, avant qu'on entre en scène. Ok. Maintenant, lisons le Matthieu chapitre 26 encore pour que vous voyez quelque chose. Ok. Nous viens. Tout le monde y est. Verset, vous y êtes tout le monde. Lisons maintenant à partir du verset 29. Je vais lire les versets 29 et 30. Suivez avec moi, d'accord? Regardez. Tout le monde y est, frère et soeur. C'est pas très bien. Verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce quoi? Fruit de la vie. Vous avez vu? Il n'a pas dit fleuri, il n'a pas dit grenadine, il dit fruit de la vie. Et vous savez très bien que le fruit de la vie, c'est exactement cela. Donc quelqu'un n'a pas le juste. Regardez bien, c'est là, voilà le fruit de la vie. Voilà la vie et c'est produit à partir de là. Donc quelqu'un ne peut pas dire quoi que ce soit. On va trouver ça et c'est parti dans le monde entier. Je ne boirai plus de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon père. La question que vous m'avez posée maintenant directement, c'est frère, bien-aimé, soeur, est-ce qu'il y aura de l'alcool dans le ciel? Non. Ok, maintenant, si on fait ça avec l'alcool, ça se pose qu'on a les buteurs dans le système. C'est la même chose qu'on va boire. C'est ce qui est juste à dire là, non? Dans quel monde on se trouve? Et puis, il va encore avoir la même chose, de la partie à la vigne là-bas. Par exemple, vous avez parlé de la vigne. Le figuier, la vigne. La vigne de Dieu Israël. Vous avez compris, frère? Vous comprenez? Terrible. Alors maintenant, regardez. Maintenant, verset 30. Après avoir quoi? Après avoir chanté, il s'est rendu à la montagne des Olives. Alléluia. Après avoir quoi? Chanté. Donc, regardez, vous avez des psaumes chez vous, n'est-ce pas? Les psaumes, les cantiques que Jésus a chanté. Les mêmes psaumes que vous avez dans votre Bible. Les psaumes 115, 116, 117, 118, puis le psaume 136. Voilà exactement ce que Jésus a fait. Alléluia. Les cantiques que Jésus a chanté, il n'a pas chanté n'importe quel cantique. Plus que milliardaire, arrêtez vos bêtises là. Plus que milliardaire, vous êtes milliardaire beaucoup. Donc regardez. Il chante les cantiques sans quoi? 115, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, Amen. Les bons frères, les bons noms à plus. Vous avez levé le son. Je sais pas. C'est comme ça. La première idée, c'est pour la compléter. Donc, on peut déposer tout maintenant, on va prier. Pendant quelques instants, éprouvez-vous vous-même. Amen. Les gens communient avec le démon en venant là-bas et ils font toute autre chose dans le monde qui plaît à ce Satan-là qui est leur père. Mais est-ce que notre vie, la façon dont nous comprenons, est-ce que c'est conforme à l'évangile? Vous voyez? Il dit ce qu'il veut entendre de vous, c'est que vous marchez d'une manière digne de l'évangile de Christ. Amen. Donc, pendant un instant, examinez vous-même. Ouvrez vos bouches et priez. Seigneur, si c'est toujours quelque chose que ce soit qui peut me toucher, qui peut m'empêcher de communier avec toi, Père, que ton sang parle, ça va bien aimer. Si elle n'importe quoi pour m'empêcher, qu'il puisse communier à cette table aujourd'hui, que j'en sens pas à moi. Vous tous qui avez communié avec cette personne-là dans le monde, demandez pardon par rapport à cela d'abord, avant de communier ici. D'accord, frère bien-aimé, prions, prions. Père des miséricordes, Dieu des cieux et de la terre, ta parole est même. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne t'as pas changé. Tu es le même hier, Père. Tu n'as pas changé. Que toute la gloire qui vient, que tout l'honneur soit pour toi. Père, nous sommes attendus à merci Père de ta présence ici. Merci Père parce que tu as voulu que tu seras là et tu es là au milieu de nous. Père, nous te demandons pardon Père de toi. Chacun de nous, nous avons fait penser aussi qu'il ne te glorifie pas. D'une façon ou d'une autre, nous ne sommes pas été devant nous demander de faire. Ton sang est capable de parler. Là, nous sommes. Seigneur, nous nous soumettons à toi maintenant. Nous nous soumettons seulement sous le mur du sang. Ce n'est pas par notre propre justice, Père. Ce n'est pas par notre propre justice, ou même par quoi que ce soit que nous aurons fait. Mais ce n'est pas le mérite de la croix. C'est tout simplement parce que notre précieux Seigneur, le roi des gloires, le Seigneur Jésus-Christ, est allé à la croix que nous pouvons nous approcher à toi par le sang, par le Seigneur, nous avons compris d'après la parole que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a pris pour le péché du monde. Et nous croyons qu'il a approché nos péchés. Mais par nos manquements, nos différentes marches, Père de gloire, si cela ne te plaît pas, et quelque chose que nous avons fait, que ton sang nous nettoie maintenant de purifier de tout ce notre corps, notre conscience, et afin que nous soyons le Dieu vivant dans un esprit. Nous prions au Dieu de gloire. Que tu nous sors de cette pensée de gloire. Tu nous sors de notre contexte. Passe nos reins au Christ. Oui, Seigneur, la Bible déclare que devant toi, il n'y a aucune ombre de variation. Et la Bible déclare que nul qui a été caché devant nous, et nous rendons des comptes. Seigneur, nous nous prosternons maintenant devant toi, fais ce repas en commémoration de la mort de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ dans la foi. Père de gloire, nous le remercions. Seigneur, je prie que cette assemblée, pour quiconque va participer à cette table, Père de gloire, que tu daignes, Seigneur, ton prophète, le roi Ézéchias, a prié pour les peuples des Nephtalim, des Zabulon qui n'étaient pas sanctifiés pour la Pâque, et tu as dénigné, pardonné leurs péchés. C'est plus obligé de voir que toute personne se trouve au milieu des morts. Quelle que soit l'iniquité commise près de gloire, et qui ne s'en souvient pas faire, c'est plus obligé de voir que ton sang parle avec toi. Du Seigneur, mais maintenant pour moi-même, applique pas ton pas ta puissance, Seigneur, le sang sur quelle que soit l'accusation que l'ennemi faisait pour eux, contre eux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que le peuple dise Amen. Amen. Salut ton voisin et puis assieds-toi directement dans le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen, amen. Salut-vous les uns les autres. Salut-vous les uns les autres, bien-aimés. Salut-vous les uns les autres. Quelqu'un salue comment ton voisin. Les uns les autres. Les unes les autres. Alléluia. Allez-vous les uns les autres. Allez-vous les uns les autres. Voilà, donc, bien aimé, asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Amen. Donc, souvenez-vous de ceci. Je vous dis et vous recommande entre les mains du Seigneur. Et c'est à toi. Vous les conducteurs, vous avez vu ce dans votre nom se passe. Faites de même que le Dieu de paix sera avec vous. Faites de même que le Dieu de paix sera avec vous. Faites de même que le Dieu de paix sera avec vous. Donc, faites cela. Deuxième chose qu'il veut demander, je vous ai parlé des enfants. Vous qui avez des enfants, vous pouvez me donner pas d'être. On est d'accord, n'est-ce pas? En fait, donnez-vous un confinement à la maison. Donc, la deuxième chose, c'est ceci, c'est que normalement, vous voyez, vous sortez dans plusieurs zones. Je vous ai déjà dit tout chaque fois que bientôt, ça ne sera pas comme ça, que ça ne vous surprend pas. Ceux qui sont dans chaque quartier, préparez-vous à ouvrir votre maison au Seigneur et qu'on puisse venir là-bas manger comme ça et pas de tout le monde. Comme ça, vous pouvez inviter vos voisins, vos propres voisins, de venir chez vous communiquer. C'est la façon de faire. Vous comprenez? Donc, selon les zones, ceux qui sont pour l'amour, c'est-à-dire il y a une assemblée dans la maison. À Marquet Paya, chez la maman Véronique, peut-être le frère, si sa femme le laisse tranquille, il va aussi ouvrir sa maison au Seigneur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Donc, ta femme va venir. Ne t'inquiète pas de se marier, d'accord? Elle va comprendre. Donc, ta femme va venir. Donc, quel que soit ce qu'on va ouvrir seulement vos. Il n'a pas besoin d'avoir une grande maison. Pas besoin d'avoir une grande maison. Ouvrez seulement vos maisons, Seigneur. Pourquoi ne savez-vous pas vous intéresser? Parce que c'est comme ça. D'accord? Vous comprenez? On peut faire beaucoup de choses. Voilà. Alors, on peut être libre maintenant d'aller chaque jour aller prêcher. Vous allez comprendre maintenant pourquoi on disait que les dix se limitaient chaque jour. Parce que tel jour, c'est telle personne. Tel jour, c'est telle personne. Ils n'apprennent pas maison après maison. Ils en savent. C'est comme ça que c'est. Amen. Amen. On nous a commenté tel que dimanche. Merde, je ne vais pas à l'église le dimanche. Mais le jour du Seigneur, que Dieu le pardonne, n'est-ce pas? Alors on dit que c'est le jour saint, pour que les gens portent les... Amen. Donc les frères, où sont les sœurs là, venez prendre les plats. Je ne sais pas si les plats sont disciplinés. Allez en ordre, essayez-vous doucement, selon votre convenance, d'accord? Pensez que c'est le repas de notre Seigneur, que nous sommes des participants, d'accord? Père, c'est le repas de toi. D'accord, d'accord. Donc, frère, c'est bien. D'accord, c'est bon. D'accord, c'est bon. Donc, allez un peu en ordre, d'accord? Allez en ordre. Il faut que tu dises quelque chose. Envoie la caméra vers le frère avant qu'il ne vienne. Envoie la caméra vers le frère. Allô, oui, frère. Comme ça. Oui. Oui. Donc, si je suis à l'antenne, tu parles alors, d'accord? Oui, je suis à 5 sur 5, je t'ai reçu à 5 sur 5. Donc, dès que je suis à l'antenne, tu me dis. Jamais, jamais, jamais. Toi et moi, on a convenu que. Toi et moi, on a convenu que c'est mardi. Regarde, laisse l'image de la scène que ça se déroule. Oui? Tu dis quoi? Je dis, laisse l'image de la scène que ça se déroule pendant que l'image passe. Tu me suis un peu? Enfin, pendant que la scène passe, mais. Oui, je vais faire le commentaire, mais mon image ne sort pas, d'accord? Tu me suis? Oui. Sur Jésus-Christ TV, en direct depuis le Cameroun, on est en train de. Vraiment, c'est une surprise. Le frère Junior, lui et moi, on a parlé ce matin. Il avait, disons, une sainte scène aujourd'hui au Cameroun. Donc, il va enseigner sur Jésus-Christ TV mercredi sur la sainte scène. Et voilà, donc, je vais passer la parole à Junior pour annoncer donc, son passage sur Jésus-Christ TV et dire bonjour à tous les frères et sœurs qui sont connectés sur Jésus-Christ TV en direct depuis le Cameroun. Donc je te passe la parole, Junior, dans quelques secondes. Dans quelques secondes, je te passe la parole. Nous sommes bien sûr, vraiment, Jésus-Christ TV, c'est une opportunité pour nous de voir des frères qui vraiment célèbrent le repas du Seigneur exactement. Donc, Junior, tu as la parole. Amen. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs dans le monde entier. Bonsoir, bon après-midi à vous qui êtes aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde entier, vous qui vivrez en direct comme ça la Sainte Seine ici au Cameroun, et déjà recevez partout où vous suivez en direct sur Jésus-Christ Télévision, comme ça la salutation de l'église qui se réunit dans cette maison. Si nous sommes comme ça à Lopom, à Douala, au Cameroun, pour ceux qui connaissent le Cameroun, c'est exactement dans le centre de l'Afrique, exactement le guichet, le gâchet du fusil qu'est l'Afrique. Si vous retournez la forme de l'Afrique, vous allez trouver que le Cameroun se trouve à la gâchette. Alors, bien-aimés frères et sœurs dans le monde entier, nous sommes en train de vivre ici maintenant une situation qui est décrite dans la Bible, c'est la Sainte Seine, dont nous allons parler du développement mercredi prochain, si le Seigneur le permet, sur Jésus-Christ Télévision. Alors, derrière moi, vous allez vivre comme ça, les frères qui passent à table en mangeant le repas du Seigneur. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses qu'on a vues dans la parole de Dieu, comme on va voir ce mercredi, si le Seigneur le permet, on va développer pour que les frères et sœurs dans le monde entier qui rentrent dans le cadre des maisons. Frère Jean, souviens-toi que plusieurs fois sur cette antenne, j'ai parlé de la nécessité de revenir dans le cadre de la réunion en église familiale, c'est-à-dire dans la maison. Pourquoi? Parce que nous sommes une famille. Et c'est uniquement, et plusieurs fois j'ai pu annoncer sur ces antennes-là que c'est uniquement sur ce cadre, dans ce cadre-là, que les doctrines de Dieu peuvent être respectées telles que l'Écriture le dit, les Saintes Écritures le disent. Et nous sommes ici dans l'une des pratiques qu'est la Sainte Seine, qui montre une communauté de frères qui partagent un repas. Et ce qui est curieux, comme nous allons voir ce mercredi, c'est que beaucoup de personnes vont le dimanche prendre le repas du Seigneur, alors que ce repas dans la Bible est clairement écrit comme étant le souper. Dans d'autres Bibles, on parle de la Sainte Seine. Et pour ceux qui m'écoutent, pour ceux qui sont d'Italie, je dis bonjour déjà et bonsoir pour tous ceux qui sont de l'Italie. En latin, scène vient du mot, le mot scène vient du mot latin cena, qui veut dire le repas du soir, le souper du soir. Et c'est quand même curieux donc, que les gens puissent aller le dimanche matin ou le mercredi matin, puissent prendre la sainte scène, c'est-à-dire le repas le soir, le dimanche. Donc vous vivez ainsi le repas du Seigneur, le repas du Seigneur au cours duquel on va donc rompre le pain et prendre le jus du raisin pour symboliser exactement la commémoration de la mort de notre Seigneur pour l'humanité, pour tous ceux qui ont fait alliance avec lui. Donc, bien aimés frères et sœurs, je vous laisse comme ça vivre un peu en direct ici au Cameroun ce que nous faisons, comment les frères et sœurs vivent la communion fraternelle. Et au fur et à mesure que le Seigneur nous le permettra, vous découvrirez même des prédications en direct même ici au Cameroun. Donc, frère Georges, je te passe l'antenne aux États-Unis et je remercie tous les frères et sœurs qui sont maintenant à l'écoute et pour tous ceux qui vont regarder cette émission, c'est en direct. Je vous donne rendez-vous donc mercredi. Mais pour le moment, restez à l'antenne, comme ça vous pourrez vivre la scène parce qu'il y a le lavage des pieds, la rupture des pains, le partage de pain et plus de vin plus tard, tel qu'on va le voir tout à l'heure au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous passe l'antenne, frère Georges. À tout à l'heure. Vraiment merveilleux, mes frères et sœurs, ce que le frère Junior est en train de partager. C'est vraiment une joie de voir comment nous mettons la parole de Dieu en pratique. Et il y a beaucoup de choses que j'ai appris, je vous l'avoue, ce soir. Je pratiquais la Sainte-Seine différemment et je pense que je suis édifié. Parce que en pratiquant la Sainte-Seine, qu'est-ce qu'on faisait? On préparait du raisin et il y avait du raisin et du pain. Mais je pense que prochainement, nous, à Houston, dans cette église de maison, la Sainte-Seine se fera à l'occasion d'un repas. Donc, il a fallu vraiment que je suive cela en direct et avec vous de découvrir un détail tellement important dans la parole de Dieu, à savoir que la Sainte-Seine, ça fait partie du repas. Et tout ce qui s'est passé durant la Sainte-Seine, nous devons vraiment l'appliquer, tel que le lavage des pieds, symbolisant vraiment l'humilité les uns entre les autres, que chacun ne considère pas qu'il est élevé au-dessus des autres. Donc, voilà, je suis dans la joie parce que mercredi, plaise à Dieu, si le Seigneur Jésus ne revenait pas en que temps et si le Seigneur nous conservait le souffle de vie, mercredi, nous allons passer en direct, nous aurons Junior en direct depuis le Cameroun et vraiment nous aurons Junior en direct et pour la première fois, plaise à Dieu, les gens pourront voir le visage de Junior pour la première fois parce que là, ça se passe dehors parce que là, vous êtes en direct. Ça se passe dans une terrasse et il n'y a pas assez de lumière. C'est pour cela que vous voyez les choses floues. Mais mercredi, vous verrez Junior pour la première fois en direct, en image live, de manière très claire sur Jésus-Christ TV. Donc, sans plus tarder, je vous repasse quelques extraits. Vous allez donc voir comment ça se passe. Donc, gardez l'écoute. Nous sommes donc sur Jésus-Christ TV pour ces choses. Je me donne un peu le temps pour que tu sais aussi. Il n'a pas mis. Non, il ne parle pas. Mais je crois que c'est un peu. Le méchant peut passer ici, c'est que c'est possible. Et c'est comme si vous appelez le tu demande si ça a passé encore en direct. Si... Allô? Allô, frère Georges? Allô? Ça passe en direct, c'est pas pour la sortie, il m'attendait pas en direct. Moi, je suis plus de je vous aime dans le nom de Jésus. Tourne-toi avec quelqu'un à gauche, tu dis bon appétit et je t'aime. Mais ça tu le dis souvent déjà, non? Hein, madame, comme tu le dis déjà souvent. D'accord, est-ce que ça passe en direct? Parce que tu voulais bouger, n'est-ce pas? C'est toujours en direct. Donc, son repas. Ah bon, n'est-ce pas? Ok, j'ai compris. D'accord. Okay. Thank you.

Bien, c'est là que vous faites avant que Dieu. D'accord. Il venait ici de nous voir manger. Pardon. D'accord. Manger et rester vraiment. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord, c'est bon. C'est qui pour planter. Ok, il est fait. Donc, branche dans le. Oui, je vais brancher. Voilà, mes frères. Cette émission surprise depuis le Cameroun. C'est une émission surprise, voilà, sur Jésus-Christ. Donc, c'était une joie et un privilège d'être en direct avec les frères depuis le Cameroun, le frère Junior. Donc, nous concluons cette émission et on se dit à lundi, plaise à Dieu. Et je nous rappelle encore le passage d'Alain Patrick Ngandimoun depuis la France, puis qui va continuer la série sur les révélations bibliques sur la fin du monde. Et... les révélations bibliques sur la fin du monde et sur l'enlèvement. Donc, c'est la fin. Que Dieu vous bénisse. Au nom tout-puissant, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire d'éternité en éternité. Amen.